sincère. Ouais, ouais, c'est 13 et 16 S. Donc de test SR. Si, si, c'est pour que les cités de France. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La rue victime, on vit que tu une sincère à Vitry. La rue à boire, comme la brume, donc on casse des vitrines. La vitrine, donc vitrine, ici c'est la brume. Le pas de Vitry, Vitry, ici c'est la brume. Les rimes cherval, et je suis cerval sans cerveau. Là pour faire mal, je sais que dans les halls, qu'on cerveau. Appelle ça deal ou trafic, ralflic, un d'arafic, un truc d'arafic. On restera là, tant qu'il y aura le fric. Ma camorra, et sur nous faut que tu braques ta caméra. Aucun de tes cannes noires, ici faut faire gaffe, caméra. On veut me casser les reins à cause de mes rimes. On se coupe du terrain pour ces fils de pute. On reste des Jacques Maitrine. Vous l'avez mérité, Malien Gassène. Vous l'avez mérité, du ghetto héritier. Pleine de menaces, vous vous héritez. Simple de jouer l'altesse, en bas de la tête. Ma vie simple la tête. Si t'es France, épidémie comme la peste. Écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, de la graine de Wesley. Si t'es France, c'est égal, nucléaire et serre. Écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, de la graine de Wesley. Si t'es France, c'est égal, nucléaire et serre. Plus besoin d'Azar, dans la lixure, on y est tard. Avec Mazik, Zorel, Kilimanjaro. Des tsaros, émirs d'Arabie Saoudite, leur vie un paradis. C'est bien ça que vous dites. Machallah, notre paradis sera leur enfer. Militants comme ceux de jadis, nos grands frères. Sans le Coran, mais y'en a d'autres, c'est la Torah. Comme CNN, j'exporte ma foi dans ta Diora. Mon équipe gagne comme la Fiora. Reste dans la Fiora. Tant que du Tafiora. Jadis via mer, comme ça la latte sans vinaigre. Sa mère, toujours malade ma vinex. Votre vite mec, j'ai eu la maladie scalatine. Et j'ai toujours les gestes du mal appris. Ma tête le mal appris, épidémie. Ouais, écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, la graine de Wesley. Si t'es de France, c'est égal, nucléaire, essai. Écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, la graine de Wesley. Si t'es de France, c'est égal, nucléaire, essai. Sur les jambes, ça urine, et avec le sourire, ça surine. Marche, souffrir, faut faire des soupirs et pas lâcher de soupir. Que j'aille voter, ça c'est super. Avec ce temps de Air Max, pourrais m'en acheter plus de bière. Ici c'est menace tout, ouais mais pas ton casque. Pardon efface tout, ici t'es néfaste. Tu crèves, un cerveau faut que tu me greffes. Mon cœur en grève, on est dangereux. Tu sais, et c'est grave. L'éternel, faut pas être menace comme les ternels. Les frères mêlent, si l'esprit la rue la ferme. A causé trop de dégâts, et je suis formel, pas de formule. C'est tout simple, ça va fort mal. Et comme par hasard, y'a plus de formule. Vita si tu en trop de gars qui urinent sur les urnes. Regarde mes murs et puisqu'il les ordres, mate mes burnes. C'est pas le maire qui va meubler ma tuer. C'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, la graine de Wesley. Si t'es de France, c'est égal, nucléaire, essai. Écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, la graine de Wesley. Si t'es de France, c'est égal, nucléaire, essai. Écoute, connasse, c'est ici que tout commence. Graine de menace, la France récolte sa semence. Yes, c'est de la racaille, la graine de Wesley. Si t'es de France, c'est égal, nucléaire. Master, Amadi, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S, 13 et 16 S,